Sébastien, qu'est-ce que tu voulais me demander très rapidement parce oui, qu'on a déjà Gérard qui est là. Parce ouais. que là, je t'enregistre de faire un petit message répondeur. Oh non, putain, vous faites chier. Attends, je te remets le même de l'autre. Hein, vous me refaites les mêmes délires qu'il y a 150 ans. Non, mais toi, tu m'en fais un toi avec ta voix à toi. Hein? Tu m'en fais un toi. Tu dis ouais, bonjour, vous êtes chez Sébastien, machin. Bah Gérard, tu vas le faire, toi qui viens d'arriver, fais-le à ma place. Vas-y, toi, t'es en plus Gérard, il est en pleine forme. Ça va, Gégé? Ça va. Alors, tu fais un petit message répondeur pour notre ami Sébastien. Ça te dérange pas si c'est Gérard de Suresnes? Ouais, non, bah vous le faites à deux alors. C'est encore plus de valeur. Salut, c'est Max. Salut, c'est Gérard. Donc, vous êtes bien chez Sébastien. Je ne suis pas là pour le moment. Laissez-moi votre numéro de téléphone et je vous rappelle dès mon retour. Merci, Gérard. Un peu T'habites chez Sébastien? T'habites chez Sébastien, Gérard? Mais non, mais je lui fais ça. Je ne suis pas là pour le moment. C'est pas à toi d'être pas là. C'est à lui. Mais alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne suis pas là. Mais c'est lui qui est pas là. Mais non, c'est pas qui parle. Tu dis il n'est pas là pour le moment. Bah oui, tu dois dire salut, c'est Gérard. Il n'est pas là. Vous êtes bien chez Sébastien, mais il n'est pas là pour le moment. Salut, alors vas-y. 3, 4. Salut, c'est Gérard. Vous êtes bien chez Sébastien. Il n'est pas là pour le moment. Laissez-lui un numéro. On va t'as bafouillé. T'as savonné, là, pour une fois. Salut, c'est Gérard. Vous êtes bien chez Sébastien. Il n'est pas là pour le moment. Laissez-lui un numéro. Il vous rappellera dès son retour. Et merci. Un dernier. Allez, vas-y. Max, tu fais le salut c'est Max avant. Pas l'autre. Tu veux pas non plus qu'on te mette tout le l'équipe. Je fais salut c'est Max et toi salut c'est Max de Star System. Tu fais salut c'est Gérard de Suresnes. Attention, après tu fais la suite comme t'as fait. Salut c'est Max de Star System. Salut c'est Gérard de Suresnes. Sébastien n'est pas là. Vous pouvez lui laisser un numéro. Il vous rappellera dès son retour. Merci. C'est nul. Oh les branques. Laissez bien un message après le bip. Voilà, comme ça te fait un petit truc. Ok mon pote. Bien sympathique Max. Allez Sébastien, bonne bourre. Merci toi aussi.